L'Agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire titré « Le déshonneur des États-Unis, résultat inévitable de la politique d'hégémonie ». En voici le résumé. Les politiques extérieures arbitraires de l'actuelle administration américaine se heurtent l'une après l'autre à la ruine. Le 28 août dernier, à propos de la négociation sur l'accord de commerce transatlantique et de partenariat d'investissement, le vice-chancelier allemand a affirmé que la négociation est en effet rompue car l'Europe ne peut pas accepter les exigences de Washington. Quant à la négociation en question, elle a commencé il y a 3 ans en tant que pourparler sur la convention de commerce libre entre les États-Unis et l'Union européenne, en affichant la création d'une plus grande zone de commerce libre du monde. L'administration Obama y a concentré toute son énergie pour en faire le résultat suprême de ses politiques extérieures. Mais face à l'attitude du côté américain qui cherche seulement ses intérêts, ses pays alliés aussi lui ont tourné le dos. Ainsi, la négociation de 3 ans a enfin échoué et les perspectives de sa réalisation sont devenues incertaines. Les vulnérables politiques extérieures de l'administration Obama font face à la crise sans précédent et courent à la ruine non seulement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Les autres politiques extérieures d'Obama, comme l'édification d'un monde dénucléarisé, connaissent également les échecs du fait de l'irréalité et de la duperie. Surtout la politique anachronique de patience stratégique visant à effondrer le régime socialiste coréen à travers la sanction et la pression a complètement échoué et a causé au contraire le renforcement de la position stratégique de la Corée socialiste en tant que puissance nucléaire. De tels déshonneurs des États-Unis ne sont pas dus au hasard. La stratégie américaine d'hégémonie mondiale, basée sur le diktat, l'arbitraire, l'agression et l'ingérence, est rejetée comme une politique anachronique car elle va à l'encontre du courant de l'histoire et c'est pourquoi sa ruine totale est inévitable.